Oyez, oyez, braves gens. Psycho le croquant s'en va vous conter l'histoire du rap clinquant. Faites sonner vos trébuchants. Un ramassis de bouc avec la tête qui secoue. Il étrit du solfège et mélange de mauvais goût. Ça sait pas se brailler, mais ça ne cesse de brailler. Ça marche dans des pompes neuves avec les lacets des fées. Si, si, je t'assure, en plus ça sait pas s'exprimer. Ça rend pas un dialecte à te foutre un mal de crâner, de crâner. Ils en ont fait leur spécialité. Les rappeurs ont mauvaise réputation. Wesh, wesh, yo, sur le beat, yo. On dirait qu'il y a que des moitiés de mots dans leur cerveau. Je crois qu'ils sont mal finis, fréquentent que des malfamés. Ils sont pleins d'or, mais te diront qu'ils sont affamés. Une famée, une caisse pour eux, ça peut pas se dissocier. Côté passager, livré avec le poste et le porte-clés. Pour ce qui est de draguer, te disent qu'ils ont tout inventé. Les rappeurs ont mauvaise réputation. Désolé si on ne correspond pas à ce que vous attendiez, à ce que vous espériez. Si notre art de vivre vous cause du tracas, ça ne fait que commencer. Le rappeur vorace se nourrit principalement d'autres MC. Il traîne souvent en meute, dont chacun s'autoproclame le chef. Tout un bordel conflictuel pour revendiquer le fief. Quand il débarque, c'est pour foutre le wayer. Ton appart, c'est vite fait, un champ de bataille. Et scape ton frigo, grite à son nom en foutant à fond. Les rappeurs ont mauvaise réputation. J'sais pas ce qu'ils ont dans leur clip à bouger comme des folles. Et ils font des grands gestes et avec leurs doigts te montrent le sol. Intéressant. Sûrement un rite, une vieille coutume. Mais on dirait tous des clones taillés dans le même costume. On dirait des magasins de sport, la bijouterie autour du cou. Manque que la crête du style Mr. T de l'agence casse-cou. Oh c'est bon, j'ai rédit, je te manie aussi d'être vulgaire dans le son. Les rappeurs ont mauvaise réputation. Désolé si on ne correspond pas à ce que vous attendiez, à ce que vous espériez. Si notre art de vivre vous cause du tracas, ça ne fait que commencer. C'est pas la dernière, mon psy m'a dit que je suis l'un d'eux. Version virulente, face de sa finale du hip-hop. En plus contagieux, réputé dangereux dans les environs. Ça va nuire à ma réputation. J'ai pas de sape, pas de style, pas de marque, pas de tasse, pas de paf en poche. Jamais je raque et j'ai pas de face. On me taque souvent de radin pour ce qui est de lâcher du son. Psycho a mauvaise réputation. Mais je m'en tape, émissaire du Nord comme de Gland, je représente le rap un second souffle pour une jeunesse militante. Des fumiers œuvres pour crever la créativité. Mais on s'est adapté, on sait comment les éviter. Les erreurs de jeunesse, on en a fait un label. On est peut-être des bad boys, mais pas des criminels. Stoppez les critiques, c'est à requérir votre attention, même si les rappeurs ont mauvaise réputation. Désolé si on ne correspond pas à ce que vous attendiez, à ce que vous espériez. Si notre art de vivre vous cause du tracas, ça ne fait que commencer. Allez, allez, à votre bon cœur, croquants et croquantes. M'en vais passer parmi vous pour la sonnante. Merci, c'est pour ma pitance. Ah, quel beau pays, la France. Merci, merci. Dieu vous le rendra, enfin peut-être. Et vous pourrez rentrer chez vous, fièrement content de savoir pourquoi. Les rappeurs ont mauvaise réputation.